Le Rumigaïr et le Rondinaïr sont des râleurs. Ce sont des adversaires désagréables, mais c'est pire encore de les avoir pour partenaires. Ils rondinent tout le temps, ça me dévarie, ça me perturbe. Les uns disent, sas, car Oméga qui con. Tu sais, il a rengeonné quelque chose. Le Rampelaïr et le Rancunaïr, ou Ranconeur, ont pour caractéristique de traîner par tempérament ou par mauvaise volonté. Au boule, ils effectuent d'innombrables allées et venues sur le terrain, ils font canner, mesurer les points, alors que tout le monde sait à quoi s'en tenir. Ils essuient lentement leur boule avant de jouer, chipotent pour un rien. Avec eux, les mains n'en finissent plus, ils te font pâtir, ils te font languir au sens de souffrir. À la pétanque comme ailleurs, ces comportements ont pour effet d'exciter des adversaires, ce qui peut être le but recherché. C'est pourquoi, pour donner du rythme aux parties, le règlement officiel limite désormais à 1 minute le temps imparti pour lancer une boule. Canner, nous l'avons vu, c'est mesurer l'écart entre différentes boules et le bouchon de manière à savoir qui tient le point. On entend dire que ce terme aurait pour origine les bouts de canne, roseaux, que l'on utilisait pour mesurer. Le mot vient d'une ancienne unité de mesure utilisée dans le Midi, la canne ou canon. À vrai dire, avant que la roulette, le maître en rouleur, ne fasse son apparition sur les terrains, on cannait avec tout ce qui se présentait, paille, branchette, ceinture, bout de ficelle. Quand c'était loin, on faisait les patelles, des pas, un pied calé contre la boule, l'autre collé devant, et ainsi de suite. Et s'il le faut, on ajoute la main, puis un ou deux doigts. Certains cannent encore ainsi, ce qui participe à l'animation des parties, car il est tentant de tricher en mesurant. Avec une ficelle, il suffit de tourner un peu les pouces pour influencer la longueur. Source d'engraine et de spectacle pour la galerie, l'assistance. Oh, fan des chiches, tu cannes avec une élastique. S'il y a incertitude en phénomène, on peut entendre « Boulegues pas, toques pas rien !»« Ne bougez pas, ne touchez rien !» Façon de dire qu'il faut mesurer et que c'est sérieux.